Bon, deuxième partie, numéro 139, les trappes de l'âme. Évidemment, on impose dans nos conférences toujours la dualité âme-esprit. Et puis, évidemment, j'applique pour les gens qui connaissent pas trop la conscience, j'applique beaucoup à faire comprendre que l'ego, qui est la machine, le hardware, le computer, a des programmes dans l'ordinateur qu'on appelle l'astral, l'âme et la programmation. Et qu'un individu qui n'aurait pas personne qui piloterait l'ordinateur aurait des gros problèmes d'exécution parce que, bon, l'ordinateur a besoin d'avoir un maître à penser, si on peut dire ça de même, qui va y envoyer des commandes, des ordres dedans. En passant, si vous voulez voir un film d'un gars qui a programmé des beaux computers, allez voir le film Ex Machina. C'est très spécial. C'est un gars qui a réussi à mettre toute la logique et la pensée de la femme dans un ordinateur, puis enfin, il y en a un qui a compris. Fait que c'est très bon comme film. Donc, la personne qui programme l'âme et l'esprit, pas la personne, mais ce qui programme l'âme et l'ego. Donc, l'ego, lui, est simplement l'élément d'exécution des programmations qu'on a dans l'âme. En d'autres termes, vous mettez un Word Perfect, vous mettez un Word, vous mettez Excel, vous mettez n'importe quel programme, il va s'exécuter dans un hardware. Un iPhone, ça a besoin de programme, n'importe quoi. Et l'âme, évidemment, c'est celui qui réfère le plus au je. Tu sais, quand les gens parlent, je, ils parlent tout le temps à partir de qu'est-ce que le disque dur de son programme lui permet de répéter, de rappeler, de ramener à la conscience. S'il fait un tour d'envie avec des gens, puis c'est comme l'équivalent pour lui d'aller sur Internet, bien, il va accumuler les données, il va en charger les données, puis il va le mettre dans son ordinateur. Fait que la mémoire s'est bâtie d'influence, un peu comme un individu qui va pitonner avec Internet, va être bombardé d'influence, donc d'informations, qui va cumuler dans son disque dur. OK? L'esprit est au-dessus, parce que c'est celui qui traite l'information, c'est celui qui installe le programme, c'est celui qui a des, en guillemets, on va appeler ça comme ça pour l'âme, une mission pour l'âme. Quand tu traites avec un Word Perfect ou avec un Word, c'est un traitement de texte. Le traitement de texte, il peut faire des manipulations mathématiques minimales, mais il n'est pas fait pour traiter avec beaucoup, beaucoup de fonctions mathématiques, parce que c'est pas un chiffrier, c'est un traitement de texte. Donc, vous venez au monde avec une mission, traitement de texte, chiffrier, logiciel de jeu, tout ce bordel-là. Donc, votre âme est ni plus ni moins que ce qui est votre disque dur qui contient cette programmation-là. Un individu est nécessairement influencé par sa mémoire parce que la seule chose qui a été enseignée dans sa vie, c'est qu'il doit référer à l'évolution, à la puissance de son jeu. Fait qu'on t'a dit, t'as tel nom. Tu sais, tu nommes un computer Daniel, Alex, Benjamin. Il est nommé, mais ça ne lui donne pas autre chose qu'un nom. Mais ça ne lui donne pas qu'est-ce qu'il a à faire. C'est pas parce que tu t'appelles Monique que tu vas nécessairement savoir qu'est-ce que tu as à faire. C'est pas parce que tu t'appelles Claude que tu vas savoir qu'est-ce que tu as à faire. On va simplement t'avoir nommé. Mais autour de tout ce qu'on nomme autour de toi, on développe un langage. Puis ce langage-là sert à communiquer avec d'autres informaticiens, d'autres computers. Mais bizarrement, les ordinateurs se reconnaissent juste à travers un langage et se comprennent strictement par la logique qu'ils ont un par rapport à l'autre. Pas plus que ça. La première grande trappe de l'âme, la première, c'est l'ignorance. L'ignorance étant la base de la recherche de la connaissance. Parce que tu es ignorant, je suis obligé de l'écrire comme une recherche, parce que Tu prends n'importe quel 10-2 vierge, tu en vas chez un informaticien, puis tu vas dire, mets-moi des programmes là-dedans. Mets-moi de l'information là-dedans. Ton programme, là, s'il peut faire ça, donne-moi un peu des exemples de ce qu'il peut faire pour que je cherche un peu comment il opère. Fait qu'il y a toute la période dans ton ignorance de remplir d'informations ton 10-2, donc remplir ta mémoire personnelle. Essayez d'imaginer, puis ça s'en vient, des gens qui n'auront pas de 10-2, qui vont simplement être une connexion avec Internet. OK? Ça s'en vient. Et éventuellement, tu n'auras plus de jeu et tu auras juste un contact, un terminal pour te connecter avec de l'information qui vient d'ailleurs. Tu vas peut-être cumuler certaines données minimum, mais des téraoctets, des 3, 4, 5 téraoctets, tu n'auras plus besoin de ça. Il y a bien des gens qui vont mettre des gros disques des films. Moi, c'est drôle, un film, quand je l'ai vu, j'ai pas besoin de le revoir 45 fois. L'ai vu. Pourquoi le stocker? Pourquoi vouloir être propriétaire d'eux? Donc, tant que l'individu recherche, dans son ignorance, à neutraliser son imbécilité par de l'accumulation d'informations, c'est parce qu'il ne se fait pas confiance. Il fait confiance à son 10-2. Si ma mémoire se souvient, on t'efface ta mémoire, tu tombes sur la noix, commotion cérébrale, puis là, tu ne te souviens plus pendant un instant. Écoute bien, là. Ton problème, c'est l'essentiel du problème, c'est pas de savoir si tu es intelligent, c'est de savoir si tu es utile. Si tu es un imbécile heureux et qui te sert à quelque chose, t'es carré. Fait qu'au final, c'est un peu mon cas, là. T'sais, moi, je me souviens de rien, mais je sers encore. T'sais. Le moignon bouge bien. Fait que l'ignorance, c'est la première grande trappe. Le monde a peur de ne pas être. Ils ont peur de ne pas savoir. La peur de ne pas savoir, ça démontre que tu sais rien. Alors que si tu n'as pas peur de savoir, ben, tu vas aller t'informer, tu vas aller te pomper à Internet. Tu vas demander à un programmeur de te mettre des programmes dans ton computer. Parce que tout le monde a de la mémoire. Mais tout le monde ne cherche pas à avoir nécessairement à remplir son 10-2. OK? Il y a des gens qui disent, ben moi, là, tu sais, si je mange, je dors, puis je me véhicule un peu, là, nassé. Fait que partant de là, ils ne s'informent pas. Puis s'ils sont capables de survivre avec le minimum qu'ils ont, ben, la vie est belle. C'est que quand à un moment donné, ils veulent communiquer avec d'autres, ah, là, oups, ils font un fil USB, ils font un fil Wi-Fi. Pas un fil, mais en tout cas, ils font un équipement Wi-Fi pour communiquer. Puis là, ils sentent qu'ils sont ignorants. Là. Parce que là, wow, lui, c'est ça. Fait que la peur de l'ignorance devient aiguë, très aiguë, quand l'âme doit se frotter à d'autres ordinateurs, à d'autres individus. L'âme, c'est pas peureux en principe. C'est juste que, n'étant pas isolé, il peut finalement avoir peur d'être dépassé. Tu sais beaucoup. Moi, comme là, en informatique, j'ai pris du recul, là. Je me suis trouvé un computer 8 cœurs. J'ai raidé pendant presque toute ma vie avec un double cœur. Puis 8 cœurs, là, j'ai dit, Christ, m'a mourir du cœur bien avant ça. Fait qu'à 8, là, je suis correct. Je pense que je devrais pouvoir passer les prochains 25 ans, là. Fait que c'est vite, même. Quand tu tombes sur un deux cœurs, là, tu vas pas au bureau en gros, puis tu pitonnes, tu dis donc, ben là, cette affaire-là, que c'est. Monsieur, avez-vous des problèmes avec votre ordinateur? Non, c'est un double cœur. C'est un ancien modèle. Il est pas cher, 300$. Ah, OK. C'est pas j'ai un 8 cœurs chez nous, je trouvais que ça allait plus vite. Ben, il dit, monsieur, vous avez ce qu'il y a de plus vite, c'est ça qui. Si c'est la dernière génération, c'est des 8 cœurs. Ah, OK. Fait que moi, je mange du cœur de computer, puis mes chats, ils mangent des cœurs de poulet, eux autres. C'est vrai, qu'il y a un peu plus aussi, tu sais. L'ignorance. Vous sentir ignorant. C'est la plus grosse trappe de l'âme. Il y a un gars qui sortait de prison, j'ai dit, c'est quoi la monnaie? Il dit, faut être bien intelligent pour avoir du cash dans une banque ailleurs. Il dit, tu peux acheter. Puis il dit, faut que tu sois bien intelligent parce que les gars, c'est tous des hosties de menteurs. En prison, là, c'est le festival de la menterie. Donc, l'ignorance, pour des gens pauvres en conscience, pauvres là, en compréhension de la vie, c'est le pire ennemi. C'est ce qu'ils ont le plus peur dans la vie, de pas savoir, de pas être capable de lire, de pas être capable de dire les choses. L'autre élément qui va faire que tu te fais trapper par l'âme, c'est la croyance. Comme tu as peur de ne pas savoir, si tu vois un environnement qui croit à quelque chose, c'est comme la façon rapide pour n'importe quel imbécile dans la vie de se rallier à des gens. Les gens croient à ça, en font un mode de vie, ils rentrent dans le groupe avec un équipement X et ils vont faire partie du groupe parce qu'ils ont la même batch, ils ont le même tag, ils ont la même lecture de l'avenir ou de la vie. Les gens ont soif de famille. Quand tu es abandonné dans ta vie et tu n'as pas d'identité, tu te cherches un regroupement pour penser comme eux. L'État islamique est basé là-dessus. On te donne une croyance, on te donne une famille, on te fait mourir pour une cause, donc ta mort a une valeur. Tandis que si t'es Joe Blow qui va travailler dans un moulin à papier, tu vas mourir pour quoi? Si t'es pas marié, tu mourras même pas pour un héritage à des enfants. Fait que t'es rien. Mais pour être quelque chose, ou t'as une cause. La croyance est à l'origine de toutes les grandes causes. Fait que une personne croit, elle est quelque chose. La personne ne croit pas, si elle n'a pas d'identité, elle n'est rien. Fait que pour être quelque chose, l'âme te présente des croyances au cours de ta vie. Moi, quand j'étais jeune, avoir une moto, c'était être dans une gang. Puis est venu Honda. Honda a sorti des grosses motos, des petites motos, puis des motos que tu peux aller dans les trails avec, là, tu sais, des mini-trails, de faire la même. Puis là, il a cassé l'image que tu étais dans une gang quand tu avais une moto. Fait que tu avais une moto, il fallait que tu fasses partie d'une gang. Puis là, ben, on est sorti des BSA, puis des Triumph, puis des ta-ta-ta. On est arrivé dans le japonais, puis là, c'était plus la performance, les voyages, les gros Goldwing, cette affaire-là. Puis là, bon, on n'avait plus les croyances populaires d'être en moto, d'être un motard. Vieux motard que jamais. Et vient le fait que la croyance s'élimine, et puis là, ça devient des modes de vie comme les voyageurs, là, les gars qui font du tourisme avec des grosses motos. Et puis, des gars de compétition, comme moi, dans le temps, je faisais de la compétition de motocross. Fait que là, t'étais plus identifié, t'étais plus tagué bandit. Là. T'étais tagué casse-gueule, là, mais t'es tagué quand même moins pire que bandit. La croyance, c'est le regroupement. Il y a où il y a croyance, il y a regroupement. Les partis politiques, c'est basé sur une croyance. La croyance d'être honnête. La croyance de changer quelque chose d'important. La croyance. Il faut qu'il y ait une croyance. Motivé par la croyance. Donc, conséquemment, c'est motivé par des idées qui sont faisables, mais qui ne sont pas toujours réalisables. Faisable, pour moi, ça veut dire qu'il y a des chances dans la loterie que tu gagnes. Le résultat escompté. Mais tu n'as pas nécessairement toujours la garantie de ta croyance. Un individu qui est croyant, c'est un individu qui s'engage dans une sorte de drogue. Il se drogue à une ambiance, et puis l'âme alimente ça par des référents, des performances. Tu sais, les compagnies qui écrivent « Telle personne a été très satisfaite de notre produit, puis là, on a le témoignage de personne. J'ai essayé le produit X-Factor, puis ça m'a donné tel, tel, tel résultat. » Et là, les gens disent « Ah ben si lui, il l'a eu, on va croire à ça. » Et puis là, l'individu choisit d'aller acheter du X-Factor parce qu'il y a 10 témoignages qui établissent que ça, c'est ça. Chaque fois que vous voyez « Donnez-nous votre opinion sur la chose que vous avez achetée », c'est pour alimenter la croyance. Plus on est de fous, plus on rit, plus il y en a. Ça, c'est ça, great. Plus le monde en mange, plus le monde en mange. T'sais. Fait que la croyance, c'est l'autre grosse trappe de l'âme. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Égo. La grosse trappe de l'âme, c'est de penser qu'on s'en va quelque part. Il y a une direction. Ce qui équivaut à, pour certains, là, à avoir une cause. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, là, croire que je suis utile, c'est juste pour garder mon âme en vie, hein. Parce que fondamentalement, si j'ai 25 chats chez nous, j'en aurais 3, j'en aurais 1, mais j'en ai 25, ils coûtent plus cher. Ça rend juste mon expérience d'être utile plus intense. Tu sais, je vous banalise ça d'aplomb, hein. Mais moi, je suis vraiment heureux avec 25 chats dans la maison. Dans la 40, là, je commence à souffrir, parce que ça demande du budget quand même, là. Tu sais, 600 piastres par mois, là, on te paye un Christ, petit beau char. Et puis, si vous avez l'impression d'être utile, votre âme est en santé. Mais si vous vous pensez comme un trou de cul, ça, c'est la réalité, mais il vous manque quelque chose. C'est suicidaire de penser qu'on n'est rien pour rien et qu'on ne sert pas à personne. Mais c'est vraiment ça, pareil. Parce que c'est un gros show, hein? Quand tu regardes ça du point de vue des forces, c'est eux autres qui ont du fun. Ils ont du fun avec nous autres, les petits robots en bas, qui font ce qu'ils veulent. Tu sais, il faut bien comprendre qu'on veut rien. Mais tant qu'ils vous disent pas que c'est eux autres qui mènent le show, puis tant que vous pensez dans l'âme que je fais quelque chose, que vous êtes utile, ben là, vous pouvez vous pomper les poumons puis vous donner l'impression que ça vaut à peine de vivre. Une personne, un chat, une motivation peut vous garder à vie parce que vous avez l'impression de faire quelque chose, vous avez une direction. What's the game? Essayez de vous mettre dans la tête, mais ça, je veux pas vraiment, vous allez vous suicider, que vous valez pas la peine. Puis que si vous voulez valoir quelque chose, vous voulez vouloir valoir quelque chose, il faut absolument que vous vous occupiez de quelqu'un. Est-ce que la personne, est-ce que mes chats, quand je vais être malade, vont venir me porter une pilule? Non. Ils vont continuer à venir chier sur mon lit. Je ne pourrais pas laver mes douillettes, puis au bout d'un mois, ça va être épouvantable. La personne que vous aidez ne sera pas nécessairement la personne qui va vous aider. Bon, tant mieux s'il y a un retour. C'est parce que l'autre a peur de vous perdre, parce qu'il souffre du même problème que vous. Il se sent tout seul, puis il se sent abandonné, puis il se sent rejeté, s'il ne s'occupe pas de vous, comme vous vous occupez de l'autre pour ça. C'est un trade, ça, là. Ça ne veut pas dire que vous valez quelque chose. C'est quoi votre valeur? Ouh, ça fait mal de poser la question. Parce que la réponse, quand on regarde tout ce qu'on fait dans une direction pour une cause, puis on regarde le retour que ça donne, tabarnouche, tu vas mourir pareil, Ben. Faut pas t'oublier ça, hein. Tout ce que t'as fait, tu vas quand même crever. Tu regardes mon Parizeau, y a-tu du respect des policiers? Pas tout. Ils sont servis de sa mort pour pouvoir faire leurs revendications. Hey, on parle d'une autorité sociale d'aplomb. Ils ont même pas été capables. Il faut-tu être brainwashé dans la vie? Leur cause, c'est servir. Yes. Se servir. C'est ça qu'il aurait dû rajouter. C'est pas servir, c'est se servir. Ils sont servis d'un homme d'État, quand même, qui a une prestance. Puis, ça vaut pas de la merde, leur cause. Ils te protègent pour quoi? Pour leur salaire. C'est pas parce que t'as une valeur. La société n'a pas de valeur, ces gens-là. Donc, quand vous arrivez aux trappes de l'âme, c'est bien, bien, bien plaisant de savoir que c'est toute une grosse game. Vu des forces, c'est une grosse game. Ils peuvent balayer la planète au complet avec un virus. Ils peuvent balayer un pays avec la fonte des glaces puis des tsunamis épouvantables. On est terrifié devant les guerres en disant « Ah, il y a 10 000 personnes qui sont mortes en Syrie. » Puis on ne parle pas des 10 000 personnes qui ont passé dans un tsunami. Votre vie n'a pas de valeur autre que ce que les forces font avec. C'est drôle. La vie, ça n'a pas de direction, mais ça a de l'interaction. Puis c'est l'interaction qui donne une cause. Mettez un individu dans un processus interactif, puis il va se créer une cause naturellement, parce que l'être veut exister, il veut être. Qu'est-ce qui se passe quand un demi dans mon genre se fait pluguer avec les forces? Il n'y a plus besoin de cause, il n'y a plus besoin de croire, puis il n'y a plus besoin penser qu'il est atteint par de l'ignorance, parce qu'il est aussi intelligent que les autres veulent bien parler. Comme là, à soir, moi, là, je me sens intelligent. Puis quand ils vont me dépluguer, je vais me sentir comme le gars qui va m'envoyer manger un smoke meat chez le Mirage. Ça se résume à ça, ma vie, là. Tu sais, fait que c'est intelligent, mais je peux pas avoir le prix Nobel avec ça. C'est pas dans ma programmation. Fait que c'est intelligent. C'est pas moi qui est intelligent. Mais pour un ego, que ce soit pas lui qui est intelligent, quand ça part, il est pas capable d'accepter ça. Il faut que lui soit intelligent. Donc, il a besoin d'être propriétaire d'une science. Tandis que les gars conscients sont pas propriétaires d'une science. Ils sont un computer qui distribue de la science à des gens qui cherchent à la capturer pour dire qu'ils se sentent plus intelligents. C'est hallucinant pareil. Fait que vous êtes trappé dans l'âme avec un gars qui veut pas faire ça. Moi, je veux pas faire ça. Je veux pas vous rendre intelligent. Savez-vous pourquoi je veux pas vous rendre intelligent? Parce qu'a priori, vous êtes intelligent. Vous n'avez pas besoin que je vous rende intelligent. J'ai pas besoin de vous enseigner quelque chose. Vous êtes intelligent. Mais vous n'avez pas encore compris que vous êtes intelligent. Par le fait d'être habité par votre source. C'est votre source. C'est pas les forces. J'entends du mort, moi, les forces. C'est pas les forces, le bonhomme, là. C'est ta source qui est intelligente. Arrête de parler des forces comme si c'était extérieur à toi. Ça démontre que t'es pas intelligent quand tu parles de même. Parce que pour être intelligent, tu es habité par ta source. Et là, quand tu dis les forces, c'est comme si c'était extérieur à toi. Fait que s'il décide de s'en aller en vacances, là, les forces, là, ben, tu vas être un imbécile heureux pendant une semaine. Voyons donc, ça marche pas, ça. Fait que le parallèle de la trappe de l'âme avec la conscience, c'est quoi? C'est que tu es dans la trappe de l'âme quand tu es dans le jeu, puis quand tu es dans une croyance dans le jeu, que tu as accès à de l'imbécilité ou accès à une science. Bon. Moi, je pourrais dire que je suis totalement vide quand ils me communiquent pas, puis quand ils me communiquent, ben, ils me remplissent. Mais je me sens pas imbécile, je me sens simplement pas habité. Puis quand je suis habité, ben là, ça devient intelligent. Bon, c'est sûr qu'ils laissent pas le vide longtemps. Il y a une expression qui dit le vide, c'est pas longtemps, là, tu sais. Il y a une expression là-dessus, c'est que ça remplit vite, là. Quelque chose qui dit que ça a horreur du vide, là. C'est comme je suis la nature ou n'importe quoi. En tout cas, dans la trappe de l'âme, sachez que vous allez être rempli de tout ce qui est nécessaire pour répondre à vos besoins. Et que si vous faites confiance à tout ce qui va vous passer dans le corps pour répondre à vos besoins, vous allez avoir, comme là, j'ai mis mon pyjama ce soir. C'est un cadeau d'Alexine. Jamais j'allais acheter ça. Mais j'ai jamais eu un chandail aussi confortable que ça. C'est un des rares chandails qui ne dépasse pas de ma ceinture, puis qu'on voit une partie de bédaine. Il descend, là, ça fait même des petites culottes tellement qu'il descend en bas. J'ai dit, c'est le fun quand tu t'assis, là. Double paire de petites culottes. Tu sais? Bon, mais c'est le quelqu'un qui s'est occupé, dans son sens d'observation très aigu, qui a vu que la bédaine me dépassait souvent parce que mes chandails refoulaient au lavage. Je sais pas trop. Même des manches longues, tout au bout, ben là, ils sont cachés par le manteau. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que si je laisse la vie s'occuper de moi, il va y avoir des gens qui vont s'occuper de moi. Ou il y a des gens, si je tue pour mourir, il y a des gens qui vont littéralement m'abandonner. Le jour où je vais être abandonné de tous, je vais savoir que mon heure est arrivée. Puis on se chip d'un autre ego, une autre programmation. Puis on continue. En souhaitant, j'espère que la prochaine fois, ils vont être un petit peu plus conscients de comment ça marche la game jeune. Je me souhaite un père comme moi, là, qui va être assez allumé, me dire, hey, mon fils, ou ma fille, peut-être m'en revenir en fille, tellement appelée était jeune femme, hein? Et puis, je vais être rempli de cette extase de la science cosmique, costille, puis on va dire, ah, si je me marie un jour, ou peut-être qu'il n'y aurait plus de mariage dans ce temps-là, en tout cas, si je me combine, en combine, avec la personne qui va être là pour s'occuper de moi, puis moi, m'occuper d'elle, peu importe, ben, il va y avoir moins d'ignorance, moins de croyance, puis une direction qui ne sera pas basée sur une cause, mais qui va être simplement sur le goût de vivre. Tu as le goût de vivre, point. Tu sais, moi, je dirais, ce que les forces m'ont fait faire avec mon gars, pour ma famille, c'est d'y conserver son goût de vivre. Le reste, il y avait tout ça en lui. Il avait simplement besoin d'être nourri pour se rendre jusqu'à l'autonomie. Simple de même. Il y a eu des parents qui vous ont amené à l'autonomie parce qu'ils vous ont permis de manger, de boire, de dormir, puis d'être relativement confortable. Bon, c'était ça le rôle qu'il avait à donner. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. Le reste, c'est de l'extra. C'est du surplus. Là, on va dire, ouais, mais qu'est-ce que tu fais du bonheur? Le bonheur? Le bonheur. Le bonheur. C'est comme, qu'est-ce que tu fais du sommeil? Le sommeil, c'est le bonheur. Tu dors. T'as pas de trouble. Quand tu te lèves, ah, il y a des comptes à payer, il y a l'impôt, faut que tu conduises ton auto, il y a de la neige dehors, il fait frette. Tu commences à avoir une sorte de réactivité aiguë de par les sens. C'est tes sens qui sont activés. Mais tu fais quoi, pourquoi dans la vie? La trappe de l'âme, c'est de penser qu'on a une chose à faire pour une raison donnée. À part de vouloir payer vos crises de compte, avez-vous tant de raisons que ça de vivre? La seule chose qui vous tente dans la vie, c'est de faire ce que vous voulez, pas faire tout ce qui est à vouloir faire parce que les autres te le donnent. Le gars, il va dire, j'ai 30 000 piastres de dette. Ah ouais? Moi, tu me dis que tu as 30 000 piastres de dette, tu dis, ouais, puis les États-Unis ont 400 milliards. Tu veux-tu faire un concours de qu'est-ce qui est le plus gros? Tu sais, 30 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, ça dépend de ta capacité de générer. Si tu t'occupes pas de ta dette, mais tu t'occupes juste de générer, puis ça génère pas, fuck la dette. Fais l'impôt, elle dit, vous nous devez 10 000 piastres. Ah ouais? Tu dois 10 000. Tu veux-tu m'acheter des CD? Si tu veux m'acheter des CD, puis tu le dis à toute la gang, va te faire ton premier paiement. Elle dit, c'est pas comme ça que ça marche. Ben, je dis, c'est pas comme ça que vous êtes habitué que ça marche. Ben, on peut changer ça. Ben, elle dit, si je vous ai pas de chéquier avec vous, si avoir un chéquier, c'est pas un problème. Je vais vous écrire ça sur les bouts de papier, un mouchoir avec les nex. C'est valable légalement en passant. Hein. Elle dit, j'ai étudié en finance, mais on peut faire un contrat sur une feuille de napkin de restaurant, puis c'est valable devant M. Jeu. Elle dit, vous niaisez, là. Non. Non, je suis pas un niaiseux, là. Je suis un gars très intelligent. J'ai pas d'argent. Je t'offre de m'acheter des choses pour avoir de l'argent que je vais pouvoir te donner immédiatement. J'en ai dans mon char, j'ai une centaine de CD à 15 pièces chaque, j'ai 1500 pièces de dépôt que je peux faire tout de suite. Êtes-vous d'accord? Elle dit, ouais, mais on connaît pas le produit. Mais écoutez, essayez de l'adopter. Essayez-en un chaque. 100 personnes qui essayent un CD qui se le passent entre eux autres. Je suis pas le gars qui va vous surveiller pour les droits d'auteur, là. Mais j'ai déjà 1500 de payer. Puis si vous aimez ça, un autre 100 que je peux vous emmener le mois prochain, on va faire un autre 1500. Fait que je peux vous payer 1500 par mois si vous faites un effort. Ah ben, ça, monsieur, vous savez bien que ça marche pas de même. Bon, ben, on va attendre qu'il y ait 300-400 personnes qui m'achètent des CD, puis je vous paierai après. On va vous emmener des chèques au fur et à mesure que les gens vont me payer. Ça m'achète-tu? C'est que c'est la belle vie, ça. Hein? Tu m'aides, je t'aide. Tu m'aides, je t'aide. Mais dans la société, non. Tu vas m'aider, mais moi, je t'aiderai pas. Tu vas t'occuper de tes affaires. Hein? Alors ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du monde qui soit généreux pour m'aider, pour que je puisse t'aider. S'ils sont pas généreux, je peux pas t'aider. C'est un rapport de vase communicant, la vie, hein? Elle trouvait ça flyé. Pourtant, moi, j'ai trouvé ça tout ce qui est plus logique au niveau économique. Tu veux pas, vous autres? Hein? Qui c'était le plus idiot? Celui qui fait ou celui qui le propose? Bon, je lui avais dit aussi. En tout cas, il y en a une encore cette année, là, parce que je suis là souvent, moi, au bureau de l'impôt. C'est l'audité qui appelle, parce que je suis souvent en retard. Puis, elle dit, vous nous faites des chèques, on fait des arrangements. Oui, on va faire les arrangements que je veux. Je vous donne 3 chèques de 500, puis au mois de mars, on verra comment ça se passe. Elle dit, non, c'est l'arrangement, vous nous faites des chèques jusqu'à la fin. Connaissez-vous l'avenir, vous? Ben, qu'est-ce que vous l'avenez? Elle dit, vous nous devez tel montant. Oui, mais je dis, connaissez-vous l'avenir? Je dis, là, je connais mon avenir pour les 3 prochains mois. À partir du mois d'avril, je ne connais plus mon avenir. Elle dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis astrologue. elle dit, vous n'êtes pas supposé connaître l'avenir? Ben, j'ai dit, les gens me croient tellement pas que des fois, j'ai des doutes. Fait que là, j'ai appris à dealer 3 mois à fois, là, c'est, puis ça va mieux. Fait que je dis, je vous revois au mois d'avril. Pour le mois d'avril, j'ai pas été capable de la revoir. Fait que je reçois un papier comme quoi l'entente est cancellée. Bon, l'entente est cancellée, je peux venir quand je veux. Elle n'a pas me dire ça. Là, j'ai retéléphoné, je dis, vous m'avez cancellé l'entente, donc je vais aller vous voir au mois de juillet. Oui, mais on a cancellé l'entente pour que vous payiez la somme au complet. Je dis, imaginez qu'au mois de janvier, je ne savais pas, pour les 3 prochains mois, c'était correct. Mais là, vous avez dit au mois d'avril, m'a renégocié. Vous ne m'avez pas demandé, ça va-tu mieux? Non. Pas de politesse dans votre histoire. Vous me dites, vous nous devez la somme en totalité. Bon, écoutez, je peux encore continuer à partir du mois d'août, 500$ par mois, mais là, vous me demandez la totalité. Sinon, je m'en vais en prison. Je pense que je vais essayer ça. Mettez-moi dans ça, prison à vie. Là. On verra. Qu'est-ce que les gens, au bout de 6 mois, ils sortent, ils vont régler mes comptes comme ça. Et puis souvent, comme ils n'ont pas de place dans les prisons, ils vont me mettre de travaux communautaires. J'ai eu le goût de rencontrer du nouveau monde. Non, mais c'est parce que si votre vie n'est pas entre vos mains, c'est quoi? Vous vivez pour quoi? Tu sais, je vous dis, écoute, minute, là. Direction, cause. Vous ne travaillez pas pour l'État. Vous travaillez pour l'État. Vous êtes payé à toi 2 semaines. Puis, à l'âge que j'ai, vous ne m'accepterez pas. OK, faut call. OK, moi, je ne travaille pas pour une cause. Je ne travaille pas pour l'État. Je ne travaille pour moi. Ah, oh, ça ne marche pas de même, monsieur. Vous êtes dans une. Vous vivez au Canada, vous avez des privilèges, mais vous êtes sur nos routes. Mais c'est drôle, je suis sûr que tu ne penses pas à ça le soir. Toi, tu penses juste à qui t'a collecté puis combien tu vas savoir pour la job que tu as fait. Fait que l'évolution d'un être, s'il ne met pas ça à lui, là, tu sais, moi, je veux vivre ça. Là. Hey, il n'y a rien dans la société qui va s'occuper d'eux autres. Les femmes. Les gars vont vous regarder juste pour vous botter. Et c'est clair que vous n'en serez pas heureuse parce que vous allez être regardé pour la pièce de viande que vous avez. Puis quand la pièce de viande commence à être fumée, elle peut être à manger, puis après ça, il est trop tard. On va vous laisser entre les mains des loups. Donc, vous ne pouvez plus vivre en fonction de votre tête, vous pouvez vivre juste en fonction de la forme. Comment vous pouvez vous sortir de vivre en fonction de la forme? C'est vous autres dans votre tête, avec ce qui vous passe dans votre tête, qui va s'occuper de vous autres. Appelez ça de l'évolution. Appelez ça de la transgression spirituelle. Appelez ça comme vous voulez. Donnez-y le mot qu'il veut. Mais ça s'appelle s'occuper de vous autres. Parce que les autres ne s'occuperont de vous autres que pour ce qui leur est retourné à eux autres. C'est-tu clair? Je pense que j'ai pas moins de le crier dans l'église, c'est pour me faire comprendre. Donc, la principale trappe de l'âme, c'est de penser qu'on vous aime, alors qu'on vous consomme. Les forces vous enculent par des mises en vibration, et puis vous êtes obligé de le faire, parce qu'ils sont très, très acharnés. Ils ont plusieurs vies devant vous autres pour vous faire passer le message. Hey, c'est long, longtemps, on s'entend-tu? Et puis, ils sont patients, chose que rarement un homme a comme talent ou comme compétence d'être patient. Il veut, en général, quand tu es dans l'âme, tu veux que les choses s'exécutent rapidement. Ipso facto. Tu sais? Vivez pour vous autres, l'âme veut vous faire vivre pour les autres. L'âme a inventé la religion. L'âme a inventé les guerres. Tout le temps, pourquoi? Pour vous rentrer quelque chose dans le cerveau. La guerre pour vous dominer, puis la religion pour vous dominer. OK? La trappe là-dedans, c'est par le fait de votre ignorance, vous n'êtes pas capable de voir le parallèle de la domination sur vous autres qui est pensée pour une collectivité qui peut être dominée parce qu'ils sont ignorants. On désinforme les gens, on les domine. On désinforme les gens, on peut être juste avec un petit peu plus de connaissances, être des éléments qu'on va lui faire avaler une condescendance. Pourquoi qu'un gars est payé 10 000 piastres de l'heure puis que l'autre, il travaille à 10 piastres de l'heure? Juste parce qu'il en sait un peu plus que toi? Juste parce qu'il sait faire les choses? Donne-moi les cours pour faire 10 000, moi, là, moi, te prendre un an pour l'apprendre. Hein? T'entends-tu? Tout le monde veut avoir accès à un bien-être de vie et seulement certains le font au dépens des autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Gagner le gros lot, c'est des 5 piastres puis des 10 piastres qui sont cumulés. C'est pas l'Auto-Québec qui sort 10 000 de ses poches pour te le donner ou 1 million. Non, c'est des gens qui ont payé 10 piastres, une piastre, puis ça a fait un million, puis ils répartissent à une personne. Il y a une personne qui va gagner le montant que les gens, par espoir, par ignorance, ont placé. Mais aux gens, la science infuse, là, le contact, là, puis tu ne gagneras pas en fin de semaine. Puis il y en a 10 millions de personnes qui ne mettront pas une piastre ou deux piastres parce que le contact il a dit « tu ne gagneras pas en fin de semaine, tu ne dépenseras jamais quelque chose que tu sais que tu ne gagneras pas. Hein? » Ils ont-tu 10 millions à répartir? Non. Parce qu'ils ont besoin de 10 millions de nounous qui vont mettre 2 piastres pour donner 20 millions à un gars. C'est toujours vouloir avoir, avoir, avoir. Fait que la plus grande problématique, c'est l'ignorance. La croyance, parce que le monde, il essaye de te lancer dans une saga épouvantable de « faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, gars, tout le monde le fait, fais le don. » Puis la direction, ben ils te mettent une cause entre les mains, puis là, ça y est. Tu sais, une cause. À cause de. Tu sais, quand tu commences à penser tout haut, là, à cause de, j'ai fait ça, à cause de. Pendant que tout le temps, c'est bien important quand on est conscient qu'on soit anonyme. Moi, dans mon cas, être anonyme, je cultive ça. Je sais que ça marche parce que dans mes salles, j'ai presque pas de monde. Et puis, être anonyme, c'est la seule façon que vous pouvez avoir la paix, que personne ne s'intéresse à vous autres. Puis comme c'est déjà facile pour le monde de ne pas s'intéresser à vous autres, vous êtes winner en partant. Vous êtes sûr que ça va marcher. Fait que ça revient tout le temps au fait que les gens veulent s'occuper d'eux autres. Lui, il a bien compris son affaire. Si je m'occupe de moi et que les autres ne s'occupent pas de moi, ils m'ont la paix. C'est clair? Oui, OK. Allez-y, les questions. Ça fait des gros fichiers. Donc, si on résume, il n'y a pas de modèle de vie. En réalité, chaque personne a son modèle de vie qui n'est pas ici. Faut qu'il crée. Faut que vous soyez capable de vous créer. Sinon, vous allez être pris dans les trappes de l'ombre avec ce qu'on connaît dans la société. Moi, j'aime le hockey à TV. Parce que 600 piastres de billet, je peux pas. Fait que je suis pas pris dans l'effet d'entraînement d'aller voir le Canadien. À 600 piastres le billet, oublie ça. Puis quand tu payes 300, tu vois rien. Puis à la TV, ça coûte rien. Ça te coûte une TV. Puis tu as des bons commentateurs que tu n'as pas quand tu es dans l'aréna. Il y a beaucoup de trappes dans la vie, beaucoup d'attrapes. Tu te fais attraper à bien des éléments. Quelle est la différence entre nos besoins et l'égoïsme? Ou l'égoïsme? Je ne vois pas le parallèle que tu fais, excuse-moi. Parce que tu disais... Tu réponds tes besoins. Oui. Je ne vois pas en quoi ça dérange quelqu'un. Non, ça ne dérange personne. Mais ce que c'est que... Ah, c'est pas... Oui, d'accord. C'était quoi, tu... Non, mais, Alexine... Alexine, il y a 3 ans, Alexine, dans 3 ans, c'est toujours la même femme qui est en développement, c'est tout. C'est pas les ressources qui vont te changer. J'aurais pas plus de fun avec toi dans 3 ans que j'en ai là. Tu es venu hier, puis j'ai eu un fun fou à te voir faire 3 balles dans le centre, là. Je suis impressionné, là. Mais que tu fasses le tour du monde, je m'en calisse. Que tu aies exposé à New York, je m'en calisse aussi. Je n'ai pas de. T'as rien à me démontrer. Mais ça, là, les carabines, j'aime ça. Puis de t'avoir eu. Putain, qu'il y a une 308 quand même. Il dit waouh, c'est bon. Que tu ne le répètes pas, c'est pas grave. Le moment que j'ai vécu, il était bon. Ce que tu vas être dans 3 ans dans le tir, je m'en fous. Ce que tu vas faire comme peinture, je m'en fous. Parce que c'est pas moi qui est concerné, c'est toi qui est concerné. C'est-tu de l'égoïsme de ma part vers ta personne? C'est simplement que moi, j'ai une gestion de la vie qui est en fonction de mon équilibre de vie, c'est tout. Tu n'es pas préoccupé par ma vie. Jamais tu m'as posé de questions, savoir comment je faisais pour vider les litières le matin. Jamais tu m'as posé de questions là-dessus. Jamais, jamais. Tu ne t'occupes pas de moi, hein? C'est une des activités les plus importantes de ma journée. Vider mes litières. Sans ça, ça sent le calice. Mais comme toi, t'es pas affecté au niveau de l'odorat pour ça, tu t'occupes pas de moi. Fait que je m'occupe de qu'est-ce qui s'occupe de moi. Je m'occupe de toi dans ce qui s'occupe de moi. T'occupes des carabines, c'est une passion pour moi. Bon, ben, je m'occupe dans ma passion que tu puisses vivre ça, puis tu m'arrives avec des bons résultats. Bon, c'est le fun. Comment ça? Mais c'est ça le point de contact qu'on a. Après ça, ben, il y a le parler. T'aimes ça parler? T'as un gars parfait pour pouvoir tout t'expliquer. Fait que c'est des points de jonction qui se font occasionnellement, mais qui ne concernent pas ta vie sur ma vie, puis ma vie sur ta vie. Dans la mesure où tu t'occupes de toi, puis je m'occupe de moi, on peut avoir un bon team. C'est ce qu'on a à partager, mais c'est dans le qu'est-ce qui se partage qui est le plaisir de vie des deux. OK. Lui, je parle, puis... Tu sais, ouais. Il danse la tête. L'autre, il bouge pas. Il est figé, câlisse. Ça y est, il va faire une statue grecque. Ça veut pas dire que ça ne l'intéresse pas. Ça veut dire qu'il ne réagit pas de la même façon. OK, that's it. T'as un chicane dans les pots. Il a payé son ticket. Il en donne son argent. C'est limite à ça. Il n'est pas content. Il me le dit. Il ne vient plus. On va vivre avec ça. Ben, moi, j'aimerais bien que les deux disent à Alex. Hey, Alex, il m'a manqué une bonne à soir. OK. Ça me l'a main. Question? Là, c'est son premier nom de la soirée. Céline? Avec ta boule de cristal, y a-t-il quelque chose qui sort? Tu te sens obligé? Tu ne devrais pas que tu ne trappes? Non, c'est ça. Je ne vois pas. C'est pas ainsi dit pour faire l'apothéose de l'égoïsme, mais c'est ainsi dit qui vous fait comprendre que vous avez des attentes vers les gens qui sont rarement répondus à 100%. Tu sais. Fait que si vous avez des attentes que telle ou telle personne ou tel environnement s'occupe de vous autres, ben comme j'ai déjà dit à mon gars, si tu veux qu'on te donne, donne. Parce que si tu ne donnes pas, on ne donnera rien. Puis le mot exact, c'est que tu ne peux pas te donner indéfiniment. Donc, faut qu'il y ait un retour sur ce que tu avances. Bon, okay, quand vous avez bien compris dans la vie que la vie, c'est un ensemble d'échanges, puis que l'individu va toujours négocier en fonction des ressources que tu y proposes, il va avoir une disponibilité en fonction de ce que tu proposes, bien là, à partir de là, tu viens de comprendre c'est quoi le New York Exchange, le Trade Exchange. Tu sais, c'est échanger. Tout est basé là-dessus. Même l'amour, c'est un échange. Aimeriez-vous quelqu'un qui vous aime pas? Seriez-vous capable d'aimer quelqu'un qui vous aime pas? Eh, il faut avoir de l'espoir en maudit. Il faut se battre pour une cause. Est-ce qu'on peut dire qu'on est une cause à quelque part? Il faut une cause, oui. Parce que l'âme n'est pas capable de vivre sans cause. Mm-hmm. Je n'aurais pas été capable de faire mon travail. Moi, je n'aurais pas eu l'impression de changer le monde. Il fallait que j'aille, tu sais, je me suis passé à coup de merci, moi, là, tu sais, je rencontre quelqu'un qui me dit merci, merci, merci. Tu sais, je suis tellement isolé, là, qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'ai rallié le travail à Bernard, pas parce que je n'étais pas capable de vivre de moi-même, mais tu sais, je faisais 1500 consultations par année. Fait que j'avais pas besoin de Bernard pour me faire gagner ma vie. Mais le fait que j'étais seul, puis que lui avait un groupe avec un langage, puis le kit, ça m'aurait lié à sa cause, et éventuellement à la cause. Quand j'ai compris à un moment donné dans la vie qu'il était pas, il était pris qu'une cause, la cause est devenue trop grosse, ses capacités individuelles, il fallait un environnement, et là il s'est créé Zénard, il s'est créé un paquet d'éléments, parce que les gens voulaient se rallier à sa cause pour avoir une cause. On a parlé de micro-société. Mais comment tu peux décrire, faire la description de la cause de Bernard? Ben, la peur de ne pas avoir de famille, la peur de ne pas être reconnu, le besoin d'être une élite. Mm. Tout le monde se voyait une élite de quelque chose. Mm. Tu avais un langage que les autres ne comprenaient pas, donc tu étais seul avec 300 personnes à comprendre ce cause-là. Mm. Qu'est-ce qui reste? Le Bernard est parti, là. Qu'est-ce qui reste? T'en as-tu bien là, qui défendent le langage et la communication? Si ça te fait pas manger, là. Et puis de cause. Les gens sont prêts à renier tout ce qui ne leur fait pas manger. Si t'es pas capable dans la société de parler de faut pas croire, puis si tous ces bebelles-là, là, mm. que le monde te regarde comme un déchet parce que tu parles de même. La cause a été temporaire. Pour le bénéfice d'un. Ben, la cause existait parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se ressemblaient. Les gens ne vivaient pas pour eux autres, ça. Ils ne vivaient pas ça pour leur développement personnel. Ils n'étaient pas capables de se développer personnellement. Ils se développaient parce qu'il y avait un mentor en avant. Je suis le dernier élément de la cause. C'est pas parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas pris des ingrédients, mais il faut que tu les gardes cohérents, ces ingrédients-là. Là, t'sais? Faut que je suis pas moi qui pense. Il faut que ça descende dans la forme. Il faut qu'il y ait un mode de vie qui s'installe là-dedans. Moi, j'ai un mode de vie d'installer, fait que j'ai pas besoin de personne. Mais j'ai besoin dans l'âme de quelqu'un. De, tu sais, sans ça, faut que j'aille gagner ma vie d'une autre façon. Claude, je faisais 80 000 par année. Là, j'aurais de la misère à faire 40. Il y a du monde qui ont débarqué. Il y a du monde qui sont sortis de la cause. Ça affaiblit l'âme, dans mon cas. Ça affaiblit l'âme, mais ça n'a jamais affaibli ma réalité. Je sais que c'est ça. Je le vis. Que l'autre me regarde et dit, comment il fait pour briser? Je dis, écoute-moi, on me dit de faire ça. Et ça marche. Mm-hmm. Moi, j'ai des preuves à tous les jours. Mais pour l'autre, que lui, il attend de gagner à la loterie, là, il n'y aura pas de preuves, là, parce qu'il demande ça trop gros, puis il ne fait pas ses devoirs. Quand tu ne fais pas tes devoirs, tu n'as pas de résultats. Moi, je l'ai fait, mes devoirs. Je les ai faits depuis longtemps, d'ailleurs. Est-ce que tu peux dire que ta réalité psychique te nourrit? Ou, pas comment dire ça? Ben, elle explique ce que je suis. Okay. Elle explique le combien de temps que j'ai à faire telle chose. Tu sais, moi, je sens les cinq l'année prochaine, là. Tout le monde prend sa retraite à cet âge-là. Moi, je ne vois pas la retraite quand est-ce qu'elle va arriver. Mm-hmm. Tant qu'ils vont vouloir que tu sais, ils vont me garder en santé. Ils vont s'occuper à ce que financièrement, je sois capable de fonctionner. Mais si j'ai acheté un télescope de 1 600 $, là, asti, j'ai pas les moyens cette année pour faire ça. J'ai dit, je peux-tu? Ils ont dit, c'est Noël, là. C'est Noël avant Noël. Ça veut dire qu'à Noël, j'aurai rien. Non, à Noël, tu n'auras rien, mais là, ça va être Noël. Mm-hmm. Si tu achètes ça, c'est Noël. Achète ça. Puis hier, j'ai reçu 1 000 $ passées du gouvernement provincial que j'attendais pas. Ah ben, Chris, là, la moitié plus. Les 2/3 du scope sont payés là. Mm-hmm. Eux autres le savaient, moi, je le savais pas. Et là, quand j'ai vu ça dans mon compte, je dis, voyons, ils ont fait une erreur. Regarde les montants. J'avais reçu une lettre hier, dans la journée, que, bon, je te pourrais recevoir ça. Mais moi, je m'attendais à la petite tranche. Non! Ils ont fait une rétroactivité, mm-hmm. puis ils m'ont tout envoyé ça. 956 $ plus sur les 18 $. Solidarité. J'ai jamais connu ça dans ma vie, moi. Mais je savais que solidarité, c'est quand t'es pauvre. Ils t'envoient ça quand t'es pauvre. Mm-hmm. J'ai payé mon scope! Mm-hmm. On le rit. Les forces avaient encore raison. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Quand t'en as des preuves de même, là, une fois, deux fois, quatre fois par mois, là, des grosses affaires. Ben, pourquoi vous ne l'avez pas, vous autres? Non, c'est parce que c'est la confirmation que tu vis dans ton monde. Pas ouais, mon monde, c'est ça. Ben, vous ne l'avez pas. Comment ça? C'est juste moi qui l'ai. C'est mon monde, tu l'as non, dit. C'est mon monde, tu ne l'auras pas. Tu n'auras jamais mon monde. C'est pour péjoratif. Ouais, ça dit ce que ça dit. C'est mon monde dans le sens que tu vis dans cet espace-là. Oui, c'est ça, le mien. Okay. Le mien. Vous autres, mère de la mère. Non. Tu comprends-tu le caractère exclusif que tu me donnes? tu ne partages pas ma réalité. Pourtant, tu as accès à la même réalité que moi. Je ne peux pas partager ton espace. Il y a une personnalisation de ton espace que hey, je n'ai jamais à l'intérieur de cette Claude, si tu savais, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, façon de parler qui détermine que... C'est important. T'as ta vie, j'ai ma vie. C'est ça, mais ça t'empêche pas d'être... On peut être en fusion, là, non, pas nous deux, j'espère. Je suis trop gras pour toi, là. Tu vas ça va pas faire de tout ce poids-là. Là. Non, il faut être fort pour supporter 200 livres. J'essaie de voir comment interpréter la réalité de ta vie. Je ne peux pas dire de notre vie. Mais pose pas des questions sur la tienne. Non, je connais. Moi, j'ai le droit d'en poser sur la tienne. Pourquoi? Pour établir une compréhension. Pourquoi? Non, mais j'ai jamais essayé de comprendre ta vie. Non, mais comment ça fait? Ah, tu veux partager? Ben oui, c'est ça. Viens tirer. Là, t'imposes. Ah, grâce à ça. Toi, tu m'imposes rien. Non. Ah, non. Je veux juste partager quelque chose. Ah, oui. Je suis disponible. Chaque fois, tu peux être disponible. Chaque fois qu'on partage, on domine l'autre, c'est ça? Non, pas nécessairement. C'est un échange, là. Trouver des points communs entre les deux. C'est ça. C'est quoi notre point commun? Ben, dans le cas, ce serait des conversations, des études. Ben, il ne veut pas s'expliquer la même chose que moi. Il passe son temps à m'étudier. Fait que, dans le fond, je suis un rat de laboratoire pour lui. J'ai-tu le goût d'être un rat toute ma vie? Tout est relatif. À la recherche de quoi? Moi, je sais ce que je cherche, mais lui, il n'a pas l'air de savoir pour moi. Là. Il m'étudie. Si tu quand tu étudies quelqu'un, il a dû faire la même chose avec Bernard pendant 30 ans, 20 ans. Ben, c'est disponible pour tout le monde. Ben, c'est ça que j'ai dit. Il ne veut pas partager ça. Ça doit être drôle. Qu'est-ce qu'il parle avec sa femme, lui? Chérie, j'ai un monologue à te faire asseoir. Fermes-tu de m'écouter? Bon, ben, ouais, vas-y, je t'écoute. Ça doit être drôle. La famille Brousseau. Je suis dans ma bulle, mais je voudrais te partager ce que je vis dans ma bulle. Pas comme ça que ça se passe. Est-ce que dans ce cas-là, c'est comme tu disais, la peur d'ignorance? Ouf! Je pense que quelqu'un qui sait a besoin de se transmettre. Puis il a besoin, dans la transmission, d'être reçu vraiment, là, pas être... être compris dans ce que tu fais. Tu sais, je t'expliquais le trigger, c'est les carabines Savage. Tu es content de le savoir? Ça ne change pas ta vie, mais ça te permet de mieux tirer. D'être moins demi quand c'est une ligne de tir en compétition. Parce que quand tu as gelé ta balle 8 fois, là, puis tu as 7 minutes pour tirer, là, c'est-tu qu'il n'y a plus grand temps? Tu fais 150 quand tu aurais pu faire 210, 220. C'est le fun de comprendre. Si tu veux partager et avoir du plaisir dans la vie, il faut quand même que tu partages quelque chose. C'est au niveau de l'art, mais tu sais, étant donné que la vie, elle se place tout le temps dans des références à l'âme, quand tu es avec du monde, il faut être fort en Christ pour vivre tout seul. Là. Très fort, très fort. De ne pas référer à l'âme des autres, de ne pas référer au partage avec une collectivité ou un groupe. Ça demande du torque, ça. Je pense que c'est une expérience qu'on vit juste quand on va mourir. Quand on meurt, on est tout seul. Ça se partage pas, hein? J'ai failli partager ça avec un chat, moi. Il est en train de mourir d'une crise cardiaque. Il a fallu que je le lâche, parce que même mon cœur est en train de lâcher. J'ai capoté en maudit, là. J'ai vu qu'un chat peut t'entraîner dans sa mort si tu l'aimes trop. OK. Parce que le seul contact avec, ça me faisait vivre ce qu'il vivait. Oup et là, c'est là que j'ai compris qu'il faut vivre sa vie à nous autres. Mais est-ce que les trois termes que tu as marqués, Daniel, ignorance, croyance et direction, est-ce que c'est pas les âmes entre elles qui cherchent comme des points de rencontre pour moi, j'avais une chatte aveugle chez nous, avec les deux yeux. Elle cherchait tout le temps un autre chat pour la guider. Conclusion? Elle a besoin de Et voilà. 1 million de gens aveugles ont cherché quelqu'un à suivre. Oui, mais t'es aveugle. Tu peux pas reprocher à un aveugle de suivre quelqu'un. C'est sa façon la plus intelligente de se rendre à bon port. Moi, la chatte, là, il a fallu que je fasse euthanasie quand j'ai déménagé. C'est pourquoi? Parce que tous les points de repère qu'elle avait dans la maison, ils avaient perdu dans l'autre. Puis là, elle se cognait partout parce qu'elle se faisait mal, puis elle voulait plus bouger. J'ai été obligé de la faire euthanasier. C'était trop difficile pour elle de se réadapter à un autre circuit. Question? C'est parce que en dehors des graves de l'âme, ce n'est pas les aspects de l'âme qui peuvent être, je dirais, peut-être bénéfiques, associatifs. Oui, mais j'essaie de vous expliquer pourquoi vous êtes pris dans l'âme. Dans le fond, c'est ça que je veux faire. Je veux vous montrer pourquoi vous n'êtes pas capable d'être conscient. La raison de votre inconscience est dans le fait que les trappes de l'âme, vous les chérissez. Que vous n'êtes pas capable de vivre sans l'âme. N'étant pas capable de vivre sans l'âme, vous ne pouvez pas être conscient. Votre limitation est dans le fait de ces faiblesses-là. Que pour se libérer de ces faiblesses-là, il faut lutter énormément pour son individualité. Parce que le mot individuel pour vous autres, ça veut juste dire être un petit peu plus solitaire, être capable d'attendre plus longtemps que l'autre avant de demander quelque chose. C'est juste ça que ça veut dire. Vous n'avez pas une force réelle, vous avez une dépendance absolue avec des jeux de temps. Vous attendez pour le demander, ça vous donne une impression de force. Dans une comparaison, vous voyez l'autre absolument plus fort que vous autres, puis vous n'allez pas vous éduquer à l'autre. Vous n'allez pas étudier avec l'autre. Vous le laissez trôner, puis vous attendez qu'il ne vous voie pas pour le copier. C'est votre dépendance à l'âme. Et après ça, vous voulez être intelligent. Pourquoi? Parce que ça peut vous donner de la force. C'est pas parce que vous allez la chercher, la force. C'est parce que vous pouvez avoir de la force. Et cet espoir d'avoir cette force-là vous donne une cause pour vous libérer de votre ignorance. Quand est-ce que tu vas par en dedans et dire « Je peux-tu faire ça? » Oui. Est-ce que tu le fais tout le temps? Je commence à le faire. Ça veut dire que tu l'évalues avant de décider de le faire. Possible. C'est pas possible, c'est sûr. Okay. Donc, si tu l'évalues, c'est que tu donnes pas à ta conscience sa position réelle. Tu fais simplement dire, bon, OK, ça me parle, puis on va voir. Donc, il y a une peur. Il y a toujours une peur. Mais d'accepter d'agir contre la peur de se tromper, puis dire, si y a erreur, si moi, j'assumerai. Ça libère la parole. Tu es capable de parler plus franchement. Tu es capable de parler plus directement. Tu es capable de dire à quelqu'un qui te fait chier, tu me fais chier, mon esti. Tu es capable. Pas tu penses que tu vas le faire. Non, tu es capable. You make a move. Tu le fais, esti. T'es craqué. Il n'y a pas de trappe à l'ombre. Être capable de lire instantanément tes échanges, tes relations avec les gens, c'est fondamental. C'est garder sa vie équilibrée, c'est pas avoir tout d'un individu, c'est d'avoir simplement ce qui s'échange. Là, t'as une vie balancée. Tu sais, un gars te rencontre au bar, puis il chante une chanson, puis à la fin, tu dis, il te regarde, puis « Qu'est-ce que vous voulez de moi? » Un chèque de 10 000. Si vous saviez à quel point vous seriez utile dans ma vie, s'il est capable de te prendre là, puis qu'il y a 10 000 de lousse, puis te fait un chèque, puis on se revoit plus, tu vas-tu te souvenir, tu penses, de ce gars-là, toi? Tu vas même vouloir le revoir. Si jamais, peut-être la prochaine charte, ça va être 20 000. Pour finir le reste, qu'est-ce qui est à payer? Les gens ne sont pas capables de faire ça. Ils sont pris dans l'âme. Là, ils seraient mental en asti, là. Oui. Hein? Non, mais avoue que ça réglerait des problèmes. C'est clair. Non, mais c'est juste ça que tu as besoin. Oui. Le gars, il répond besoin, tu vas-tu y faire le plus beau sourire de ta vie? En plus, ça, il ne faut pas qu'il sache, pas. Non, non. Non, non, non, non. Parce qu'il va vouloir t'en donner beaucoup plus. Tu vois-tu la rapace? Hein? Oui. C'était juste bien fier d'être rapace. Vrai, guidoune. Mais tu vois à quel point c'est basique, la vie. Réponds aux besoins des autres, tabarnak, puis tu te débloques tout le temps. C'est comme ça que la game se passe. OK. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Puis j'essaie pas de vous... Comment tu disais ça tout à l'heure? De t'influencer ou de... Imposer. D'imposer un mode de vie. Mm-hmm. Quand il pleut dehors, il y a un gars qui disait, il pleut dehors. Il t'impose pas un imperméable ou un parapluie. Il te fait voir que si t'as ça, ça va t'aider. C'est juste ça que je fais avec vous autres. Moi, je vous dis, il pleut dehors. Ou il fait soleil, mets-toi de la crème solaire. Achète-toi un climatisé. C'est pas dominer quelqu'un, ça. Il rend service. OK, c'est ça.